Chapitre 10e. Promenade et visite. L'été ici passe comme un beau rêve et il n'est pas possible d'en jouir. De notre fenêtre, nous voyons un bois ombreux planté de cèdres et de mélèzes embaumés. Tous les sens sont ravis, les yeux, l'odorat, tout vous invite à la rêverie, au repos. Mais on ne doit pas s'aventurer sous ces frais ombrages, car on deviendrait la pâture des cousins. Les cousins ont, dans ces contrées exceptionnelles, des proportions gigantesques. Un mouchoir de batiste, même deux, ne serait pas suffisant pour vous défendre. Mais la tentation était irrésistible, et ce que femme veut, Dieu le veut, dit-on. Nous mîmes sur notre visage des masques en crin. Ces masques étaient un cadeau de la générale Potemkin lors de notre départ de Tobolsk. Puis nous enveloppâmes notre cou dans des fichus très épais. Quant à nos mains, elles étaient protégées par des gants de grosse peau. Ainsi armés en guerre, nous nous dirigeâmes vers le bois. Je dois l'avouer à ma honte, nos inventions, nos précautions, notre prudence devaient échouer devant les cousins. Ces insectes voraces, animés par la résistance, poussés par la faim, parvenaient à s'introduire à travers la mousseline, la batiste et les gants. Nous cherchâmes à lutter contre nos ennemis, mais le nombre en était si considérable et ils étaient si acharnés à leur proie que nous dûmes quitter le champ de bataille avec une peau toute couverte de cloches. Malgré nos souffrances, nous étions décidés de sortir et au lieu de rentrer à la maison, nous allâmes faire quelques visites, après avoir ôté nos masques, bien entendu. Nous commençâmes par monsieur le maire, Gorodnitchi. Nous fûmes reçus d'abord par madame la mairesse, qui disparut bientôt pour aller chercher son mari. Les deux autorités revinrent précédées d'un domestique qui portait un plateau chargé de confitures. Madame, très jeune, très jolie et gracieuse, nous invitait du sourire et du geste à prendre quelques friandises. Mais elle ne disait pas un traître mot, tout se passait en pantomime. Je la provoquais par des remerciements, par des paroles aimables, il souriait toujours agréablement sans répondre. Cependant, elle n'était pas muette, puisqu'elle parlait tout bas à l'oreille de son mari. Notre position devenait embarrassante, et nous nous levâmes, décidés à partir, pour mettre terme à l'embarras des uns et des autres. Aussitôt la dame recouvra la parole, et d'une voix véhémente, elle s'écria. « vous partez, et le samovar qu'on allait apporter !» Il y avait un tel accent de vérité dans cette exclamation que nous cédâmes. On nous présenta un thé excellent, et après avoir dégusté cette boisson, qui est le signe de l'hospitalité et de la politesse, nous nous séparâmes très cordialement. Notre seconde visite fut pour madame Nijegorodzov, la plus riche commerçante de Berezov, et pour laquelle j'avais une lettre de recommandation de sa fille qui habitait Tobolsk. Sa maison était la plus belle et la plus spacieuse de la ville. C'était la maison jaune dont j'ai déjà parlé. Ce goût singulier de peindre les édifices en jaune a pour origine la volonté d'Alexandre Ier, qui avait une prédilection toute particulière pour cette couleur. Nous ne savions par quelle porte entrer, nous allions au hasard, sans avoir rencontré un seul domestique. Enfin, un jeune homme nous aperçut, vint à nous. Après nous avoir fait traverser plusieurs grandes pièces, il nous introduisit dans un immense salon magnifiquement meublé, puis il disparut. Cette fuite précipitée nous eût paru étrange, si nous ne l'avions attribué au costume un peu négligé du jeune homme. Restés seuls, nous eûmes le loisir d'examiner les belles choses qui nous entouraient. C'étaient des cristaux, des fleurs, des pièces d'argenterie, des dorures, enfin tout ce qui atteste la richesse et tous les raffinements du luxe. Quel contraste! Trouver tout cela dans la patrie déshéritée des Ostiaques. Nous en étions là de nos réflexions quand la porte s'ouvrit et donna passage au même jeune homme, mais autrement costumé cette fois. Il était enveloppé dans une vaste robe de chambre de velours ponceau. Ce costume lui avait rendu son assurance et il nous dit en fort bons termes que sa mère était absente, mais que si nous voulions bien attendre, il s'empresserait de l'envoyer chercher. Nous remerciâmes en disant que nous reviendrions un prochain jour, espérant être plus heureuses. 12 juin. La chaleur est extrême, l'atmosphère est brûlante, l'air est embrasé. Nous ne sortons pas de notre appartement. Point de rosée, point de brise du soir, point de fraîcheur matinale. Si le disque du soleil disparaît pour un instant, il reparaît bientôt et avant qu'on ait eu le temps de respirer. On est dans un état de prostration qui ressemble à la maladie. On ne souffre pas mais on est accablé, anéanti, inerte, sans volonté, sans initiative. On est possédé d'une idée fixe, boire à la glace ou se baigner dans l'eau froide, et tout cela ne rafraîchit pas. Un jour pourtant, lassés de notre solitude, nous tentâmes d'aller faire une promenade au bord de l'eau. Mais nous fûmes aussi importunés par les cousins que par les curieux. On s'arrêtait, on se retournait pour nous voir, et pendant ce temps-là, les insectes nous harcelaient. C'était trop à la fois, et nous reprîmes en toute hâte le chemin de notre maison. Hélas, une autre calamité nous attendait. Notre asile était envahi. Madame X, que nous avions connue très superficiellement à Tobolsk, mais qui avait d'anciennes relations avec notre hôtesse, s'était autorisée de tout cela pour s'emparer de notre domicile en notre absence, et nous la trouvâmes négligemment étendue sur notre canapé. Qu'on se figure une femme beauté comme un homme, ayant les cheveux coupés à la Titus et portant une espèce de robe qui ressemblait à une redingote d'homme, une pipe à la bouche, un fusil à ses côtés, des attirails de chasse, enfin un mélange hideux et ridicule de tout ce qui peut faire d'une femme un objet repoussant. Notre stupéfaction ne nous permettait pas de parler, mais Madame X n'eut pas l'air de s'en apercevoir, et elle nous dit avec un aplomb imperturbable qu'elle avait l'habitude de descendre dans cette maison et que rien ne devait changer ses projets. Elle savait, ajouta-t-elle, que nous occupions l'appartement, mais elle ne s'était pas arrêtée à ce détail, nous priant seulement de lui indiquer la chambre qu'elle devait habiter. Puisque cet ouragan s'était emparé de notre salon, il était plus simple de le lui laisser. Nous fûmes donc relégués dans une petite pièce où se trouvaient nos deux lits. Pour que rien ne manquât au charme de Madame X, elle élevait des oies, elle les apprivoisait, elle les transportait partout avec elle, et elle les caressait, les embrassait, les mettait sur ses genoux, comme on fait d'un chien ou d'un chat. Quand Madame X avait ses accès de gaieté, et quand les oies lui répondaient en criant, c'était à fuir au bout du monde. Madame X se pose en femme forte et au-dessus du sexe faible. Elle aime la chasse, le cheval et l'escrime. Son cœur ne s'est jamais attendri que pour les oies. Tout le monde se moque d'elle, mais elle ne s'en doute pas. Nous aspirons au départ de cet être insupportable et incommode.